connu. Je me revois complètement nu, comme font les jeunes hommes en fleurs. Mais moi je suis à mon Seigneur. J'ai chanté toute la nuit dans les sentiers de l'interdit, vêtu d'une belle chemise à fleurs. Mais moi je suis à mon Seigneur. Quand tu dors dans mes bras, c'est des millions de bras qui se chargent de toi. Quand je suis fou de toi, c'est des millions de flammes qui se jettent sur toi. Mais moi je suis à mon Seigneur. Je te revois en ingénu et je me vois, je vous ai vu. Vous n'êtes pas une enfant de cœur, mais moi je suis à mon Seigneur. Quand tu dors dans mes bras, c'est des millions de bras qui se chargent de toi. Quand je suis fou de toi, c'est des millions de flammes qui se jettent sur toi. Mais moi je suis à mon Seigneur. Dans les bras des inconnus, je me revois complètement nu. Dans tes bras, je me réveille en pleurs. Car moi, je suis à mon Seigneur.